Je prends une lock et deux trois potes, je traverse la Belgique, je suis à Amsterdam. Le lendemain, je suis en showcase dans le jacuzzi à Rotterdam. Je fais la fête, c'est pas la tête, c'est occasionnel, faut du verdam. Je mets première et j'accélère, sur bitume, j'arrache la gomme. Tout tout tout, nouveau style, 2018, on chante la donne. Tu veux ma vie, tu l'auras mes soucis, tiens prends là, je te la donne. Celle me stone, elle veut passer ses nuits au Sheraton. T'as tout claqué, elle t'a quitté, toi tu croyais avoir trouvé. Arrête de croire que ta clique c'est le cartel de Tijuana. Il arrive à casser des coccyx comme dans Forest.